Les hommes parlent d'une seule voix. Ils veulent bâtir jusqu'à ton ciel, se faire un nom sans ta présence, graver leur gloire dans la pierre et le sel. Ils montent des briques vers les nuages. Quand l'homme s'élève pour ne plus dépendre de toi, quand l'orgueil monte vers le ciel, tu rappelles que tu es le seul roi. Tu disperses les langues et les peuples pour briser nos royaumes sans loi. Quand l'orgueil monte vers le ciel, tu fais descendre nos ambitions et tu ouvres malgré erreurs, le chemin vers la vraie unité en ton nom. Les langues se brisent, les clans s'éloignent, la terre se peuple à nouveau. Mais au cœur de cette dispersion, tu prépares un appel plus haut. Tu béniras les nations, que la tour n'unira jamais. L'unité naît dans ton appel, pas dans nous.